Thank you. rose du matin, le sable est velouté comme un chat qui ronronne. Je tiens le ciel dans ma main, la mer chante à mi-voix sa plainte monotone. Alarme, colore l'oiseau. Il est Au pied